franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'affaire Thierry Paulin, plus connu sous le nom de tueur des vieilles dames. Ce nom est resté dans la mémoire des Parisiens, et pour cause. Cet homme a avoué 21 meurtres. La justice lui en a attribué 18, mais aujourd'hui encore, on sait que ce nombre est au-dessous de la réalité. Derrière ce nom se cachent donc des crimes tous commis à Paris entre octobre 1984 et novembre 1987, d'où la psychose et une enquête longue à l'ancienne, sans informatique ni internet, constituée de quelques indices, de regroupements d'informations, d'un peu de chance et de malchance aussi. Derrière ce nom se cachent aussi les vies de 18-21 vieilles dames ou plus, vivant seules à Paris, abandonnées de tous et dont on se rappelle l'existence et la fragilité durant ces mois de panique où un meurtrier les tue l'une après l'autre. Derrière ce nom, enfin, se cache une vie, celle du meurtrier. Elle fut courte, faite d'abandon, d'exil, de rencontres, d'amour et d'amants. À 21 ans, il découvre Paris, ses nuits et ses fêtes, et l'amour aussi dans les bras d'un homme. Ensemble, ils tueront un temps, puis c'est seul que Thierry Paulin continuera sa sinistre besogne. Après le récit, nous recevrons en seconde partie Serge Bornstein, neuropsychiatre, expert national pour la justice. Il a rencontré plusieurs fois Thierry Paulin et il a écrit un livre intitulé « L'assassin des vieilles dames ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot, avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Valérie Bourg. Programmation musicale Muriel Pérez. Réalisation Fabrice Lègle. À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mardi 21 mars 1989, 13h. Une ambulance escortée par des motards s'engouffre dans l'enceinte du CHU Bichat, situé au nord de Paris, en bordure du boulevard Ney. À son bord, allongé sur une civière, un homme âgé de 25 ans. Dans le coma depuis plusieurs jours, il est transporté dans les locaux de réanimation des maladies infectieuses. On l'installe dans la chambre numéro 1, située au second étage. Par le hublot de la porte, on voit le jeune homme allongé sur le lit inconscient. Il a le visage creusé, le teint blanc et quelques cheveux qui résistent encore au traitement. Dans cette chambre de quelques mètres carrés, seul le bruit de la machinerie qui l'aide à vivre se fait entendre. Auprès de lui, deux infirmières et une aide-soignante l'assistent, vérifient la perfusion, contrôlent la ventilation artificielle. Devant la porte, deux policiers gardent les lieux. Sur ce lit, une vie s'éteint doucement avec ses secrets. Sur ce lit, c'est Thierry Paulin. Son histoire commence 25 ans plus tôt, en 1963, en Martinique. Quand il arrive au monde, Guy et Rose-Hélène, ses parents, ont 19 et 17 ans. Jeune, trop jeune sans doute, pour en assumer la responsabilité, il l'abandonne, l'un après l'autre. Son père est le premier à quitter le foyer familial quelques jours après sa naissance. Puis c'est sa mère qui lâche prise et le confie à sa grand-mère paternelle. Pendant 10 ans, c'est dans les jupes de cette femme et entre les tables du restaurant Le Maman Jojo, sur la plage de Lens, à Lannes, que Thierry fait ses premiers pas. À 10 ans, il retourne chez sa mère, qui s'est mariée et qui a désormais 2 autres enfants. Turbulent, parfois violent, le retour du gosse dans ce nouveau foyer se passe mal. Alors, c'est son père qui refait surface et qui l'accueille en métropole, à Toulouse. Dans la ville rose, Thierry poursuit une scolarité mouvementée. Après des années de collège difficiles, on l'envoie au lycée professionnel en section électricité. Oh, il aurait préféré suivre la formation coiffure, mais son père en a décidé autrement. À 20 ans, après ses classes, il fait ses armes. Il intègre le régiment de parachutistes. Métis, homosexuel, une nouvelle fois, il est exclu. Cette année-là, pendant une permission, il commet son premier délit. Cagoulé, couteau à la main, il attaque une épicerie tenue par une vieille dame. Premier casse, première arrestation. Il écope d'une peine de 2 ans de prison avec sursis pour vol avec violence. Libéré du service militaire, il quitte Toulouse et monte à la capitale où vit sa mère désormais. À 21 ans, il découvre le Paris des années 80 et ses nuits fauves. C'est la fascination. À cette époque, les boîtes et les clubs de la capitale sont des espaces à part où des inconnus rêvent et dansent sur les mêmes pistes que des vedettes du music hall ou de la télé, des intellectuels, voire des publicitaires. En 1984, pour briller, soyez original, soyez désinvolte, n'ayez peur de rien. À l'époque, le club le plus célèbre est le Palace, au 8 rue du Faubourg Montmartre. Si vous arrivez à entrer, vous avez toutes les chances d'y croiser Gainsbourg, Mourouzi ou Thierry Le Luron. Si vous êtes refoulé, vous pouvez tenter votre chance au 7, au Club 18, à la Loco, au Scorpion, au Rex Club. Derrière les masques de la nuit, on retrouve des hétéros qui embrassent des homos et des travestis, des pères de famille qui dansent avec des bonnes sœurs, des journalistes qui posent leurs mains sur les cuisses de mannequins, des bourgeoises kidnappées par des blousons noirs, enfin, un endroit où Thierry se plaît. Grâce à une connaissance, il est embauché au Paradis Latin en tant que serveur. C'est là, dans ce club du 5e arrondissement, qu'il rencontre Jean Thierry, serveur, lui aussi. Ensemble, ils découvrent ces nuits folles faites de sexe, de danse, de drogue et d'alcool. Ils sont beaux, jeunes, amoureux. Pour eux, la nuit est comme un manteau qui les enveloppe et les protège des haines et des discriminations du jour. Mais la nuit ne dure qu'un temps. Un soir, épris de jalousie, les deux amants s'engueulent, en public et au travail. Thierry retourne les tables et jette les verres devant la clientèle. Alors pour l'un comme pour l'autre, c'est la porte. Quelques mois plus tard, sans argent ni travail, les fauves quittent la nuit. Et un jour d'octobre 1984, la mort devient la compagne de leur aventure. Mesdames, messieurs, bonsoir. Il y a des jours où l'actualité nous laisse comme un goût d'amertume accroché au palais. Des jours où ce que nous appelons les faits divers se disputent le triste privilège de la cruauté. Et ce vendredi est un de ces jours-là. Il y a cette vieille dame assassinée dans son appartement du 18e arrondissement. Les assassins des petites vieilles ont encore frappé ce matin rue des Trois Frères dans le 18e arrondissement de Paris. En un mois, c'est la 7e vieille dame assassinée de la même façon. Une vieille dame de 75 ans a été trouvée morte cet après-midi à Paris, apparemment assassinée, comme une autre vieille dame dont le corps a été retrouvé hier, toujours dans le 18e arrondissement. Quand la presse s'empare de l'affaire au début du mois de novembre 1984, 7 homicides ont déjà été commis. 7 femmes âgées de 70 à 84 ans, vivant seules dans des milieux modestes. 7 fins de vie volées à Paris. Y a-t-il un ou plusieurs assassins ? Personne ne le sait, mais désormais dans les couloirs de la police judiciaire ou dans les rues de Paris plane l'ombre d'un serial killer. Comme indice, 7 corps, dont 5 retrouvés dans le même périmètre près de la butte Montmartre. Les victimes ont été tuées chez elles, les mains liées avec un fil électrique ou un fil téléphonique. Mode opératoire, étouffement ou étranglement. On constate aussi des coups, des côtes brisées, la plante des pieds brûlée et autres traces de sévices qui laissent à penser que la mort s'accompagne sans doute de tortures et de jeux macabres. Pour quelles raisons tuent-ils ? Pour l'argent et les bijoux, car tous les appartements ont été retournés, fouillés, vidés des objets de valeur. À chaque fois, pourtant, le butin est faible. Aucune riche héritière ou patronne d'une grande industrie ne s'est installée dans ce quartier populaire de la capitale. Durant ce mois d'octobre, 2 femmes ont survécu. À la police, elles racontent leur agression un jour d'octobre en rentrant de leur course. C'est en ouvrant la porte qu'elles ont été poussées chez elles, puis agressées. Dans leur déposition, l'une parle d'un jeune homme brun au teint clair, l'autre de 2 hommes de couleur noire. Pas très précis. Le 9 novembre, c'est le corps de Maria qui est retrouvé au 27 rue des Trois Frères. Elle avait 75 ans. C'est sa voisine du dessus qui l'a découverte et qui a prévenu la police. Elle raconte au micro de France Inter. J'ai frappé plusieurs fois, pas de réponse. Et puis, comme la porte était ouverte d'ossard, à peine, mais on voyait la lumière. Alors je dis, tiens, elle ne veut pas m'ouvrir. Mais je dis, pourquoi, l'habitude, elle ouvrait tout le temps. Puis je me suis dit, à son âge, peut-être elle est sur le pot. Excusez-moi, mais ça peut arriver. Et je dis, bon, j'ai refrappé encore. Elle n'a toujours pas répondu. Alors je dis, ou alors qu'elle est descendue, ou va à son courrier. Alors j'ai descendu, elle n'était pas. Je suis emmenée avec la police. Ils ont poussé la porte. Ils ont dit, oh là là, oh là là. Alors je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle est tombée, elle est morte. Elle peut mourir, à son âge. Et il m'a dit, non, c'est pire que ça. Alors je dis, je peux voir? Non. Il me dit, c'est pas beau à voir. Elle a été poignardée. Très vite, la psychose et la peur s'emparent de la ville en général et du 18e arrondissement en particulier. Les dames âgées du quartier, elles, vivent avec. La peur, bien sûr, accompagne leurs pas, mais vivant seules, elles ne peuvent rester chez elles, prostrées, à attendre. Alors face aux journalistes, certaines répondent avec courage et philosophie. Est-ce que vous avez peur ? Mm-hmm. Peur de quoi? Bon. On a plus peur. Quand on a bien été au chantant, on a plus peur. J'ai 82 ans, j'ai pas peur. Parce que j'aime mieux vous dire que si jamais ils viennent à la maison, ben oui, t'as reçu. Premièrement, parce que j'ai un chien. Et deuxièmement, je suis pas manchotte. C'est ça qu'on peut pas faire. C'est taper, on n'a plus la force. Quand on commence à vieillir. C'est ça. Mais ça ne fait rien, faut pas avoir peur quand même. On les aura, hein. Trois jours plus tard, le 12 novembre 1984, deux corps sont retrouvés, dont un au 8 de la rue Kellner. Ici, point de digicode ou de gardien, c'est un ancien immeuble miteux et délabré comme il en existe des centaines derrière les portes cochères de ce quartier populaire. Quand vous ouvrez la porte de l'immeuble, le vent s'engouffre avec vous et vous suit dans la cour, puis sur les marches de l'escalier. À chaque étage, sur le palier, des WC froids et humides servent de cache aux dealers ou d'abri la nuit pour les SDF. Au deuxième étage, ce 12 novembre, derrière une porte, les policiers découvrent un sac de provisions plein, abandonné. Puis un corps, celui de Madame Paul Victor, encore emmitouflé sous un manteau. Elle est recouverte d'un matelas, la tête étouffée par un oreiller. Dans l'immeuble, on l'appelait la vieille aux baskets. C'était une ancienne assistante sociale, originaire de Bretagne. Comme les autres victimes, son appartement a été fouillé. Ces assassins n'ont trouvé ni télévision, ni radio, ni photo accrochées au mur. Voilà 2 ans que Madame Victor était relogée ici, loin de son appartement de la rue Arthur, où elle a vécu pendant plus de 50 ans. Rue Kellner, elle ne connaît personne, ne côtoie que les commerçants du quartier. Ce 12 novembre, quand on découvre son corps, c'est l'odeur à l'étage qui interpelle ses voisins, et non son absence. Les médecins estiment que le meurtre s'est déroulé 8 jours plus tôt. En ce mois de novembre, alors que journalistes et policiers repartent sur la piste des assassins, c'est aussi la solitude de toute une population qu'ils découvrent, porte après porte, corps après corps. Ce 12 novembre, l'affaire prend une dimension politique et nationale. Le jour même, au 7 rue Armand Gauthier, lieu de la découverte du second corps, celui de Jeanne Laurent, 75 ans, elle aussi, on voit passer Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur, dans le gouvernement de Laurent Fabius, mais aussi 2 députés. L'un de l'opposition, Jean-Pierre Bloch, qui demande de nouvelles mesures de sécurité et qui révèle que chaque jour, 5 agressions sont signalées au commissariat. Et puis l'un de la majorité socialiste, Claude Estier, qui reçoit un accueil, disons, particulier par les gens du quartier. Qu'est-ce que vous attendez pour faire quelque chose? Oui, parfaitement, parfaitement. Hein? Parfaitement, monsieur. Comment? Vous êtes des nuls. C'est des dégueulasse, zéros, des dégueulasse. Zéros, avec votre ami Badinter. Vous êtes des bons à rien. Il faut remettre la peine de mort. Parfaitement. La peine de mort. Vous faites un référendum si vous êtes des hommes. Je vous en prie, un peu de dignité devant cette situation. Un peu de dignité, madame. Un peu de dignité. Je vous en prie, nous faisons ce qu'il convient de faire, madame. Je vous en prie, mais un peu de dignité. Mais vous savez très bien que ça n'a rien à voir avec la peine de mort. Absolument rien. Laissez faire l'enquête, vous ne savez pas quelle est l'origine de ces crimes. Je vous demande simplement de traiter ces problèmes avec un peu de dignité et non pas comme ça en poussant des cris, ça ne sert à rien. Tous les gens ont peur dans la rue, ils n'osent plus sortir. Député de cette circonscription, je le sais bien, monsieur, je le sais bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis là. Nous demandons l'accroissement des effectifs policiers. Ça va venir quand? Mais ça fait des mois que ça dure. Des mois. Mesdames et messieurs, en France, désormais, on ne coupe plus les têtes pour satisfaire une opinion, répondre à une angoisse collective. Et le temps des assassins se poursuit avec ou sans guillotine. En tout cas, cette interpellation musclée du député prouve l'état de panique et de trouble qui parcourt la ville. La presse aussi tombe dans le tourbillon. Le Parisien affiche même en une le portrait dessiné au crayon d'un homme et titre « C'est le tueur du 18e ». Pendant une journée, tous se promènent avec la une du journal dans la main. Un homme est même arrêté après la dénonciation d'un gérant de café. Alors on l'interroge, au cas où. Mais à la PJ, tous savent que le dessin est faux et il ne correspond en rien aux informations dont ils disposent. Face à l'émoi, Pierre Touraine, directeur de la police judiciaire, organise une conférence de presse. En quelques minutes, il donne les premiers éléments de l'enquête. L'arrondissement, lieu de tous les crimes, l'âge des victimes et le contexte de l'agression. À chaque fois, il semblerait que ces femmes ont été agressées au retour d'une course ou d'un passage à la banque. La police a retrouvé 2 empreintes similaires dans 2 appartements. La procédure de vérification est en cours, mais risque de durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. En effet, à l'époque, l'informatique, comme le registre national d'empreintes, n'existe pas. C'est donc manuellement qu'il faut confronter ces deux signatures biologiques à l'ensemble du fichier des malfaiteurs arrêtés dans le département, puis élargir l'étude département par département. À côté de ces maigres indices et de ces intuitions, la police dispose de quelques témoignages de femmes agressées dans des situations analogues. C'est le cas de cette dame. Je suis descendue pour mettre une lettre à la poste. Alors j'ai fait quelques pas dans l'avenue Junot et puis je suis rentrée chez moi. Alors on a dû me suivre, je me suis aperçu de rien. Enfin, quand je suis rentrée, j'ai pris l'ascenseur. Puis j'ai vu quelqu'un, deux hommes qui montaient par l'escalier. Alors, arrivés chez moi, au deuxième. Alors, j'ouvre ma porte et puis les deux types, alors là, me sont tombés dessus. Il y en a qu'un qui a toujours été après moi, qui m'a vraiment à moitié étouffé. Je ne sais même pas comment je suis revenu. Et puis l'autre, je n'ai pas vu. Il a téléphoné, fouillé dans l'appartement parce que j'avais des bijoux qui étaient dans un placard. Ils ne les ont pas vus. Alors le type qui m'a martyrisé, là, c'était un garçon assez grand, d'une vingtaine d'années, 20-25 ans peut-être. Il parlait, il me tutoyait toujours pour me faire dire où était mon argent. Mais bon. Le deuxième, je ne pourrais pas dire comment il est, si c'était grand ou petit. C'est l'autre qui m'a tout fait, il m'a tout de suite abruti, il m'a tout de suite étranglé. J'étais moitié étranglé, j'avais des bleus partout. Et puis j'avais du sang. Sur ma combinaison, quand je suis arrivé à Bichat, et je ne sais pas où est-ce qu'il m'avait écorché. Il avait réellement le plaisir de meurtrir, parce que ça ne servait à rien. Ça, je n'ai pas pour l'autre fouiller ce qu'il avait à fouiller. Puis ça, je ne criais pas, naturellement, il n'était pas question. Vous n'avez jamais connu ça dans le quartier? J'habite le quartier depuis 1919. J'y suis arrivé, je n'étais pas marié, je n'ai jamais vu aucune chose comme ça. Maintenant, vous avez peur, vous n'y retournerez pas? Oh non, sûrement pas. L'enquête suit son chemin et les politiques mettent les moyens pour endiguer la psychose. D'abord, c'est la mairie du 18e qui organise une grande réunion publique et qui annonce la création d'un nouveau service d'accompagnement. Les personnes qui le souhaitent pourront être encadrées lors de déplacements à la banque ou à la poste. La police, elle, investit massivement le quartier. Le 20 novembre, au petit matin, une grande opération contrôle est organisée. Les policiers encadrent tout un quartier situé au sud du 18e arrondissement où se trouvent de nombreux hôtels. Ils frappent à chaque porte et 114 personnes suspectes, dont 34 sont maintenues en garde à vue. Malheureusement, aucune empreinte ne correspond. Les assassins courent toujours. L'intuition était pourtant bonne. Ce 20 novembre, Thierry et Jean-Thierry ont sans doute vu les gyrophares et les arrestations policières de la fenêtre de leur chambre. Depuis plusieurs mois, ils vivent bien dans le quartier, dans un hôtel rue Victor Massé, à deux pas de la station Pigalle. Aux abords de leur chambre, ils tuent à quatre mains le jour et s'enivrent la nuit. À la fin de l'année, face à l'agitation policière, les deux hommes quittent la ville. Pour un temps. You're talking a lot, but you're not saying. 16 janvier 1986, le tueur de vieilles dames est de retour. En moins d'un mois, 6 corps de femmes âgées sont retrouvés. Estelle Donjou, 91 ans, est la première de cette seconde virée macabre. Suivent ensuite André Ladan, retrouvé étranglé le 4 janvier 1986, puis le 9, Yvonne Couronne, le 12, Marlène Jurblin, et le 15, c'est le mari d'Yvonne Cheboulet qui retrouve le corps sans vie de son épouse dans l'appartement du couple. Encore une fois, les enquêteurs n'ont pu que constater les faits. Toutes ces femmes ont été retrouvées étouffées ou étranglées, les mains liées et l'appartement a été dévasté. Immédiatement, le souvenir du tueur des vieilles dames apparaît. Mais désormais, ce n'est plus le 18e qui est son terrain de jeu, mais le 14e arrondissement, l'est de la capitale, autour de la ex-République Bastille. Comme à chaque fois devant l'immeuble, même balai recommence. Les policiers, puis les journalistes arrivent sur place. Ils filment la descente du corps et interrogent les voisins, comme ici, au 68 rue de Charenton, dernière demeure de Françoise Vendôme, retrouvée morte le 16 janvier. C'est un journal glissé sous la porte qui sème le doute chez ses voisins. Elle a mis le journal à la porte. Elle lui prête un journal. Elle revient, elle voit le journal, elle dit comment ça se fait, elle prend. Elle retape. Bon, elle dit c'est drôle. Puis après, elle a été voir Madame Malsade. Elle a dit, tiens, je ne vois pas comment ça se fait. J'ai pas vu Madame Vendôme. Alors, elle dit, je ne sais pas, moi, je la vois pas. Je l'ai pas vu passer. C'est comme ça que ça s'est fait. Mmh. Moi, j'ai vu samedi, elle allait à la prière. Vers quelle heure? Il était 6h15. Durant ces mois, certaines tentatives se soldent par des échecs. Entre-temps, les deux amants ont rompu. Alors Thierry Paulin agit seul, avec certes de l'assurance, mais un peu d'insouciance. Il agresse par exemple une femme sur son palier sous le regard de sa voisine. Malgré l'alerte, il la pousse dans son appartement et poursuit son macabre travail. Après quelques minutes, il s'en va par là où il est entré, à la vue de tout le monde. Après sa fuite dans l'escalier, il ouvre la porte cochère et s'arrête de courir comme si de rien n'était. De ses échecs et imprudences, la police va tirer profit. Elle sait maintenant qu'il s'agit d'un homme de couleur, noir ou métis, grand, jeune, coiffé comme l'athlète américain Carl Lewis. De plus, l'agresseur porte une boucle d'oreille. Malgré ses indices, il n'est toujours pas arrêté. Mais, le 17 juin, à 6h, on entend sur France Inter... Intermatin, Isabelle Monrosier, Jacques Morasso et Daniel Douet. Nous commençons par un meurtre, donc ce nouveau meurtre de vieille dame qui a été découvert hier à Paris dans le 15e arrondissement. Oui, l'horrible série continue. C'était hier la 9e victime depuis le début de l'année, la 9e vieille dame assassinée à Paris pour quelques maigres économies. Les deux derniers crimes ont été découverts à 48 heures d'intervalle. L'un samedi, une dame de 85 ans étouffée sous son matelas dans le 14e arrondissement. Et hier, dans le 15e, rue de Lourmel, on retrouvait Madame Charbonnier, morte poignardée. Puis la série s'arrête, de nouveau. En décembre 85, Paulin s'était mis au vert. En ce mois d'août 87, il est à l'ombre, en prison. Mais en aucun cas pour une accusation de meurtre, non, toxicomane. Paulin tabasse violemment son dealer, un jour d'août 86. Salement amoché, la victime porte plainte. Pour une bagarre, Paulin prend 16 mois de prison. Bien entendu, ses empreintes sont recueillies puis rangées dans le fichier des malfaiteurs du Val-de-Marne, département où s'est déroulée l'altercation. Or, à cette époque, la vérification dans chaque département des empreintes des tueurs de vieilles dames n'est pas automatique. Donc, encore une fois, Thierry Paulin passe entre les mailles du filet. Le 1er septembre 1987, il sort de prison. Il s'installe alors dans le 14e arrondissement. Sans stress, Paulin rêve toujours de Strasse, de diriger son nightclub ou sa compagnie de spectacle. La nuit, on l'aperçoit de nouveau dans les boîtes et bars de nuit. Comment vit-il alors pendant cette période? Eh bien, au crochet de ses amants, grâce à de petits trafics, mais aussi sur le reste des butins de l'année 86. Le 28 novembre, il invite tous ses amis, connaissances, anciens et futurs compagnons de ses nuits, et même son avocat qu'il a défendu contre son dealer à son anniversaire. Tous ont reçu un élégant carton d'invitation leur donnant rendez-vous à la salle Tourtour, un restaurant chic des Halles. Sur les photos de cette soirée, on voit Paulin souriant. Il semble heureux d'être la star du jour. Il a décoloré ses cheveux pour l'occasion, a enfilé une chemise blanche, un spencer noir et noué une jolie cravate. La fête est une réussite, tous les invités passent un agréable moment. Ce qu'ils ne savent pas en revanche, c'est que cette soirée est aux frais des dernières victimes de Paulin. Encore une fois, il a tué à 6 reprises. Derrière son passage, il laisse donc des cadavres, mais aussi des rescapés, 5 au mois d'octobre et 1/6 3 jours avant son anniversaire. C'est l'évanouissement qui a sauvé Berthe du coup fatal. Dans sa déposition, les traits du visage de son agresseur sont précis cette fois. Elle décrit un homme de 25 ans, grand, type métis, visage émacié, pommettes saillantes, vêtu d'un blouson et d'un béret noir. Il a une boucle d'oreille à l'oreille gauche. Ce portrait robot est envoyé à l'ensemble des commissariats de la ville. Et le 1er décembre, l'inspecteur Francis Jacob interpelle un homme, sans heurts ni menottes, rue Chabrol, tout près de la porte Saint-Denis. Il l'amène au commissariat, l'installe, l'interroge et vérifie ses empreintes. À aucun moment, Paulin, car il s'agit de lui, n'a essayé de prendre la fuite. Après quelques minutes, c'est officiel, les empreintes concordent. L'inspecteur Jacob raconte sur l'antenne de France Inter l'arrestation du tueur des vieilles dames. Bien, au moment de son interpellation, il était très bien habillé, les cheveux décolorés, porteur d'un béret, élément qui était déjà apparu sur certaines agressions. C'est un mulâtre, 1m82 même, relativement mince, porteur d'une boucle d'oreille à l'oreille gauche. Et il pourrait ressembler à n'importe qui? Je dis pas à n'importe qui. Non pas le commun des mortels, parce que tout le monde ne porte pas, tous les hommes ne portent pas une boucle d'oreille à l'oreille gauche. Excepté la couleur des cheveux, il correspondait en tout point au signalement qui avait été diffusé. Très vite, Thierry Paulin est déféré au 36 quai des Orfèvres. Sa garde à vue débute, et après quelques heures d'interrogatoire, sans remords ni regrets, il avoue un par un ses crimes. Ses aveux sont précis, il connaît les noms, les adresses. Il se souvient de détails dans les appartements, de la couleur d'un habit, d'un porte-monnaie, mais aussi de certains produits achetés par l'une des victimes. Pourtant, il ne connaissait apparemment aucune d'entre elles. C'est sans doute dans les pages de la presse que Paulin a dû lire et relire, colonne après colonne, les fragments de vie de ces femmes auxquelles il avait retiré la vie. Les inspecteurs l'interrogent collectivement. Mais deux questions restent sans réponse pour l'instant. Paulin agissait-il seul? Et qui est la seconde personne dont on a retrouvé une empreinte lors des agressions de 1984? Après plusieurs heures, il balance le nom de son ancien amant à l'inspecteur Layet. Celui-ci le raconte dans un numéro de Faites entrer l'accusé de juillet 2004, diffusé sur France 2. Sur une agression du 18e, le ou les auteurs avaient fait boire un liquide à base de soude caustique qui sert à déboucher les éviers à une des victimes. Et il poursuit. J'avais amené dans mon bureau un flacon de ce liquide à base de soude caustique que j'avais rempli d'eau, et je l'avais mis sur un meuble bien visible dans mon bureau, en me disant, le jour où l'auteur est interpellé, je veux croiser son regard lorsqu'il verra ce flacon. Et puis nous discutions, et puis, à un moment, pourquoi à ce moment-là et pas à un autre, j'ai fait semblant de me fâcher, et j'ai sorti de sous mon bureau ce flacon. Et ça, qui c'est? Instinctivement, Paulin, c'est pas moi. Qui c'est? Et c'est à cet instant qu'il nous a livré le complice des agressions du 18e, Jean-Thierry Mathurin. Qui est arrêté le jour même? Il avoue avoir été là, mais sans plus. Les tortures, les meurtres, c'est pas lui. L'enquête policière est close. Le juge d'instruction prend la suite. Le 4 décembre, Paulin est inculpé pour 18 crimes sur les 21 qu'il a avoués. Oui, 18 sur 21, car 3 ne concordent pas avec les informations de la police. Les deux hommes sont transférés à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. 4 ans plus tard, seul Mathurin sera jugé. En 1991, il est condamné à perpétuité pour le meurtre de 7 femmes et pour une tentative de meurtre. Thierry Paulin, lui, meurt le 16 avril 1989, emporté par le sida sur un lit d'hôpital au CHU Bichat. Ce jour-là, Paulin part avec ses secrets et ses démons. Il voulait être l'un des princes de la nuit parisienne, une vedette de la décennie du fric et des paillettes. Il fut un démon du jour, une tête d'affiche, certes, mais au 36 quai des Orfèvres, club huppé de la police judiciaire. Chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Everybody see the dawn. If it's a boy, France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. L'affaire Thierry Paulin, le tueur de vieilles dames à Paris, avec notre invité. Bonjour Serge Manstein. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs, vous êtes neuropsychiatre, expert national pour la justice. Vous avez examiné Thierry Paulin et vous êtes l'auteur également d'un livre sur l'affaire L'assassin des vieilles dames. Je précise simplement que sur le corps des 6 femmes retrouvées entre le 10 décembre 85 et le 16 janvier 86, faut le rappeler, on ne constate pas la sauvagerie ni les sévices de la première série de meurtres de l'automne 84. Seule la répétition de la mort soudaine, inattendue et sans lien apparent, si ce n'est effectivement l'âge des victimes, se poursuit. Et entre-temps, je le rappelle, les deux amants avaient rompu, hein, et Thierry Paulin agissait seul. Voilà. Ceci étant précisé, quand et où rencontrez-vous pour la première fois Thierry Paulin ? Eh bien, je le rencontre à Fleury-Mérogis avec mon ami Yves Blormeau, aujourd'hui disparu. Ce qui est très important, c'est qu'il a toute sa superbe et qu'il va, contrairement à ce qu'il a fait devant les policiers et le juge d'instruction, devant nous, il va totalement nier les faits reprochés. C'est-à-dire, il se présente comme victime d'une erreur judiciaire. Alors il est assez méprisant, lointain, et il est encore bien habillé, distant, et visiblement il ne veut pas participer à l'entretien, ou il donne quelques petits détails. Parce que le réflexe que vous avez, qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Bon, on est persona non grata, il ne va pas nous écouter, il s'en fiche. On va pas le prendre de face, on va le prendre de biais, on va essayer de récupérer des éléments de son enfance. Voilà. À l'anse de l'âne, chez sa grand-mère paternelle. Et parce que notre piste, c'est qu'il y a eu probablement quelque chose avec une image de grand-mère. Pour que qu'ils s'en prennent aux vieilles dames comme ça, uniquement aux vieilles dames. Hein, La grand-mère, racontez-nous. Voilà. Qu'est-ce que vous l'avez interrogé sur sa grand-mère? Quels étaient les rapports? Qu'est-ce qu'il vous disait? Il botte toujours en touche, quoi. Il se passait rien. C'était un enfant qui travaillait bien à l'école, qui était sage, etc. Alors qu'il semble avoir été précocement un enfant extrêmement diable, improvisant son comportement et souffrant de carences affectives et éducatives. Donc il va constituer un faux self, et c'est comme ça qu'il va avancer masqué toute sa vie. Et quel est son comportement? Je reviens quand il vous m'avez dit, il paraissait méprisant quand il vous voit. Il veut pas vous parler. Pratiquement pas. Il donne que des détails lénifiants, aucune précision. Il est innocent. Il est victime d'une erreur judiciaire. Devant nous, c'est constamment sa façon d'être, de se présenter. Vous savez ce qu'il a fait? Oui. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous dites là? On essaie donc d'aller l'interroger en biaisant, en le prenant sur les côtés. Mais vous m'avez dit finalement, vous biaisez, mais précisément, oui, comment vous le prenez? C'est quoi la porte d'entrée? On lui demande comment il a vécu, qui il a connu, les travaux qu'il a fait. Il raconte un petit peu, évidemment, son personnage de travesti, etc. Mais vraiment, il ne participe pas franchement à l'entretien. À votre avis, à partir de quand les choses se gâtent vraiment? À partir de quand ils tombent dans une logique psychique dont ils ne se sortent pas? Il y a une chose qui est très importante, c'est cette agression de l'épicière, où il va prendre 1400 francs, et qui est son entrée en matière dans ce que nous appelons la violicide, c'est-à-dire le meurtre de la grand-mère. Mmh. Et il va avoir constamment ce but, cette façon de procéder. Il s'attaque pas au vieux monsieur, il s'attaque pas au jeune. Et sa cible unique, ce sont les personnes âgées de sexe féminin. D'où le renvoi psychique ou psychiatrique au rapport avec sa grand-mère. Oui, certainement, certainement. Mais il fallait quand même qu'il se soit passé des choses très dures quand même. Elle était un peu sévère et elle le tenait alors que c'était un mauvais élève, quelqu'un qui fuyait, qui n'écoutait pas. Enfin, mais il était dans un milieu très très lâche, très... Il n'y a pas manque de repères, manque de valeurs, de transmission de valeurs, c'est ça? Absolument, absolument. Mmh. Donc il a grandi à la diable et il a constitué ce personnage double. Ce qu'il sait très bien faire. Alors ça, on va y revenir. Le personnage double, on va y revenir avec un autre témoignage. On en parlera. Moi, je vous propose d'écouter pour l'instant, ça va vous intéresser, un extrait de l'émission Les dossiers de l'écran en 1988. Ça existait encore, les dossiers de l'écran en 1988, où un ancien amant parle de Paulin. Écoutez. J'ai connu Thierry il y a maintenant 3 ans et demi. Nous avons passé 9 mois ensemble. Et donc, on partageait la vie de tous les jours, du petit déjeuner au coucher. Et ceci dit, Thierry Paulin était un garçon tout à fait adorable, tout à fait gentil, qui avait des qualités, des défauts. Je l'ai perdu de vue pendant 1 an et demi. Je l'ai revu récemment dans des discothèques, des restaurants ou lors de sorties. Et bon, il avait un peu changé, mieux habillé, plus dynamique, plein de projets dans la tête. Et je me suis dit, Thierry disparaît 1 an et demi, revient plein de projets. Franchement, j'étais content pour lui. Bon, 3 semaines après, voir sa photo en pleine page de journaux, c'est effectivement le gros choc. Serge Bornstein, il y a toujours quelque chose de saisissant avec les assassins, les criminels, les tueurs en série ou pas d'ailleurs. C'est que les témoins disent souvent « Oh, ben, c'est un monsieur sans histoire !» Ou après on nous dit « Oh, mais il était adorable, il était formidable !» Donc ça, vous, en tant que psychiatre, vous êtes habitué à voir ce genre absolument, de, hein, de témoignages. Donc, larvatus prodeo, je m'avance masqué. C'est la devise, en somme, des sujets assassins en série. Et en l'occurrence, rien ne le distinguait. Il donnait des fêtes somptueuses. Enfin, c'était un personnage extrêmement généreux, élégant. Bon, peut-être un peu sentimental même. Enfin, il donnait complètement le change. Et on ne pouvait pas s'en douter. Le monde de la nuit est très présent aussi dans cette histoire. Est-ce qu'il tue pour garder un peu ce pouvoir ou ce pouvoir qu'il croit avoir sur le monde de la nuit? Est-ce qu'il y a une explication, une corrélation, quelque chose? Je pense qu'il essaie surtout de trouver des ressources facilement devant des êtres sans défense et que, bon, il finit toujours par ramener des subsides et il va investir ça dans des réceptions vraiment extrêmement onéreuses. Peut-être qu'aussi il trafique dans la drogue ou dans d'autres systèmes, parce que il semblait qu'il ne trouvait pas tellement de biens, de bijoux, de liquidités chez les vieilles dames. Il n'allait pas chez les riches, effectivement, on l'a dit. Est-ce qu'il y avait de sa part un besoin de reconnaissance, un besoin de réussir dans la société, y compris dans la nuit, hein? Pourquoi pas de côtoyer des gens connus, comme une espèce de revanche par rapport à cette famille, là? Certainement, il a rencontré des vedettes, même Lynn Renault. Quelqu'un dit, je crois, sur lui que... Enfin, oui, voilà, qu'il était extrêmement gentil, adorable, oui. Non, ouais. Mais il était capable... Bah, c'est pour ça que je parle de piège, il était capable de berner les gens. C'est un être, un comédien né, très doué, très intelligent, bien qu'il n'ait pas fait de grandes études, et qui avait mis au point une méthode pour se procurer facilement des subsides et mener une grande vie, tout en satisfaisant ses tendances profondes, ses amours particulières, enfin, etc. Et on est quand même dans les années 80, ça compte aussi ça, c'est une période... Alors on l'aime ou on l'aime pas, elle avait beaucoup de charme, puis elle avait des côtés peut-être un peu plus sombres, le côté paillettes, fric, boîte de nuit, on le raconte, hein, où il y a des animateurs télé qui côtoient, il est là-dedans, il est dans ces années-là qui peuvent être porteuses de ça chez les sujets les plus fragiles. Oui, bien sûr, il est séduit par tous ces mouvements, ces fêtes, ces réceptions... Et immédiatement, il se fait des tas d'amis, des gens très haut placés dans la politique, le commerce, l'industrie, et il reçoit au tour, enfin, des fêtes extraordinaires. Et personne ne peut se douter qu'il y a un deuxième visage, être d'une cruauté absolue, et qui va vraiment tuer en les faisant souffrir des malheureuses victimes, pour des sommes qui ne sont pas extraordinaires. On va se retrouver dans 3 minutes pour continuer à parler de ce cas, hein, le cas Paulin, Serge Bornstein, après avoir écouté un morceau qui est un marqueur de ces années-là, de 1984, Serge Gainsbourg, Love on the Beat. Love. pense à toi en tant que cible. Ma belle enfant, regarde-les. Là, j'ai touché le point sensible. Attends, je vais m'y attarder. Passer aux choses sérieuses, ma poupée jolie. Tu as envie d'une overdose ou de baise, voilà. Je m'introduis. Serge Brandstein, est-ce que le tournant dramatique dans l'histoire de Poilin, c'est lors de l'engueulade, l'altercation avec son amant Mathurin au paradis latin? Est-ce que ça explique ou c'est un élément parmi d'autres? Je pense que c'est un élément parmi d'autres. Il y a une rupture, il y a effectivement deux continents qui se séparent et qui vont chacun virer. C'est un grand solitaire en réalité, vaguement sentimental, mais qui n'aime personne, quoi. C'est quelqu'un de meurtri par une enfance épouvantable et qui s'est composé un personnage. Et il savait peut-être que ça n'allait pas, mais il est mort dans des conditions très particulières, atteint d'une toxoplasmose cérébrale dans le cadre d'une maladie particulière. Le sida. Oui. Non, mais citons-la. Oui, mais oui, le sida. On peut le citer. Il a été emporté. En rien de temps. Comme on pouvait être emporté dans les années 80 cette épidémie épouvantable. Quel est le rapport entre Mathurin finalement et Poilin? Je veux dire, qui entraînait l'autre? Oh, c'est indiscutablement l'assassin des vieilles dames. C'est Poilin. C'est Thierry Poilin, oui, bien sûr. Oui, l'autre était suivi. Du reste, il est sorti de prison. De prison, ouais. Et il ne s'est plus du tout fait remarquer. Il a repris une existence normale. On n'entend plus parler de lui. Un ou deux mots sur lui, vous étiez oui, à son procès? J'étais aux assises pour lui. Mais enfin bon, il n'avait pas d'affection particulière. Il était suiviste, en quelque sorte. Mais c'est quelle était sa personnalité, hein, Mathieu? Sa personnalité, quel genre d'homme il était? C'est un... quelqu'un de simple, d'attentionné, à ses travailleurs, et il était complètement pris dans cette mouvance, dans le couple qui était devenu diabolique. Alors, on va écouter une dernière archive ensemble, elle est intéressante aussi, c'est l'extrait d'un entretien avec l'avocat de Poilin, Hervé Page. C'est lui qui le défend en 1986, après l'agression avec son dealer, cette histoire de deal dans le Val-de-Marne. On va écouter la description qu'en fait l'avocat, elle rejoint la vôtre, elle est intéressante, elle est formulée différemment, et en complémentarité, tout simplement. Poilin, il était homosexuel, mais pas vraiment ni uniquement. Il était drogué, mais pas vraiment non plus. D'ailleurs, lorsqu'il a été incarcéré, il n'a fait l'objet d'aucun traitement de désintoxication. Il était pas vraiment noir, ni pas vraiment blanc, il était métis. Il vivait pas vraiment le jour et pas vraiment la nuit. C'est-à-dire que toute sa personnalité, elle est scindée. Toute sa personnalité, elle est faite de l'un et de l'autre. Enfin, il a une personnalité en mille feuilles. C'est sûr que c'était quelqu'un qui n'était pas construit. Alors vous dites une avancée masquée, l'avocat parle de personnalité en mille feuilles, qu'est-ce que vous... Oui, il était capable de donner vraiment une vision très sympathique de lui-même, parce que Il sentait bien les gens, il sentait bien leur façon d'être, et il savait s'intercaler entre eux et la réalité. C'était quelqu'un d'indiscutablement doué sur le plan cognitif, intellectuel. Maintenant, avec des éléments de perversion datant de l'enfance, qui ont entraîné ce double passage dans le monde... Mais ça pose aussi la question de la prise en charge sociale, après tout. Quand on voit un curriculum vitae, une vie comme la sienne, avec ses débuts, cette grand-mère, sa mère qui l'abandonne, et puis son père, ça se passe mal, il est rejeté au lycée. Bon, quand même, il y a des grosses failles, quoi. On les voit, elles sont comme les nœuds au milieu de la figure. Ça pose aussi le problème de la prise en charge. Qui aurait pu... La prise en charge préventive. Bon, oui, bien sûr. C'est la grande question des services sociaux. C'est mais malheureusement, il n'y aura pas de prise en charge. Bon, à l'école, ça se passe mal. Ouais. À l'armée, ça se passe mal aussi. Bon, et ensuite, il va vivre d'expédients uniquement. Et donc, se composer un personnage splendide, attractif, mais en réalité, la nuit, il commet des actes vraiment immondes et catastrophiques. On vous a posé la question de sa responsabilité. Qu'est-ce que vous avez répondu ? Responsable ou pas responsable de ses actes ? Comme il avait disparu, on ne nous a pas posé la question. Mais en garde à vue ou En tout état de cause, avant le développement de sa maladie, il était responsable de ses actes, bien sûr. Bien, merci Serge Manstein pour tous vos éclairages sur cette affaire. Thierry Paulin, merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Thierry Paulin, l'auteur de Vieille Dame, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'affaire Boulin.